Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ciselé, ciselé, ciselé, ciselé, ciselé, ciselé, ciselé, ciselé. Allô, animal douce, 44 ici là. Oui là, je voudrais avoir des roach clips. Des roach clips. Des pépins. Des pépins. Du papier parfumé. Parfumé. Un sac en cuir. Un sac. Un médaillon bitch. Bitch. Un catalogue d'items. Item. Un abonnement d'un an, c'est gâché. Une livre de Rolling Stone. C'est tout. 66 et 66, man. J'ai rien qu'un 2 sur moi. C'est ma mère qui me l'a donné. Je vais être obligé de vendre mes Dinky Toys. C'est un bain, madame. C'est un bain, madame. Regarde-la tous. Ouh. Ouh. C'est là que ça va, bébé. Hey, en as-tu une? Tout fait. Officiel, madame. Ça à l'appartement. Sais-tu non, c'est en bas. As-tu du tapis? Non. J'ai deux chats. Deux matelas chinois devant TV. Chez nous. Oh, regarde la poignée, bonhomme. T'es poignée, bonhomme. T'es poignée, bonhomme. Où là-bas? Je suis poignée, bonhomme. Je suis poignée, bonhomme. Où là-bas, bonhomme? Où là-bas, bonhomme? Je suis poignée, bonhomme. Je suis poignée, bonhomme. Oh, waouh. Il est beau, ton appartement. Je suis resté dedans avant de louer Bonnie. Je peux-tu téléphoner Bonnie? Officiel. Allô? Foui-foui. M'a te le faire visiter mon appartement Bonnie. Alors, regarde mon poster Black Light, mon couteau hindou, mes rideaux en bambou. Complètement pété, Bonnie. As-tu vu mes popsicles dans le frigidaire, Bonnie? Alors, regarde ma chaufferette électrique est pétée. Mes poissons bic. Mes livres de Robert Charroux. J'ai toute la collection, Bonnie. Oh, wow! Des culottes flashlight! Des boutons à 20 trous! Des métros dans le trou! Des foufounes le fun! Des pâquerettes mécaniques! Des valises pour aller en Gaspésie! Des livres de Krishna Mondou, il y a toute la collection! Hey! T'es pété, Banning! Joue-moi de la flûte! Fais-moi le high-ching. Fille pas madame, fille pas madame. Fille pas madame, fille pas madame. M'en pété madame, m'en pété madame. M'en pété madame, m'en pété madame. Fille pas madame, m'en pété madame. Fille pas madame, m'en pété madame. Et pas la machine, et pas la machine, et pas la machine, et pas la machine, et pas la machine. tombe pas dans les limbes, ça existe même plus. Aïe aïe. Le transfert de 2013 à 2014. Oh, rénal, j'ai encore mal à mon cordon ombilical. À force de caler, tu sortiras. Il y a des messages, madame. Je prends ça en note, mais j'ai plus de crayon. J'ai plus de cerveau. J'ai plus de... Je suis pas en 2014. C'est du faible en faible. C'est bien, vous allez rester beaucoup plus longtemps parmi nous. Ouais, mais moi, tout le monde sait que... Je préfère le reste. Le reste. Le reste. Le reste. Le reste. Poliminou. Poliminou. Et là, je referai pas des vieilles résolutions intellectuelles que j'ai résorbées en 2014. Comment ça? Parce que... Déjà là, comment ça? Je le dis souvent à mes émissions. Puis il y a 2 ans, vous vous souvenez? Je disais, premièrement, j'arrêtais ça, j'ai aboli le premièrement, il n'y en a plus de premièrement. Le dérapage se prend sans difficulté lorsque le contrôle s'effectue avec finesse et dextérité, mais le chaos, tout désaccord, peut faire exploser le principe fondamental de cette technique. Je répète. Répétez, monsieur. Je répète. Répétez après moi, répétez après lui, répétez. Okay. Le dérapage se prend sans difficulté lorsque le contrôle s'effectue avec finesse et dextérité. Mais, dans le chaos, tout désaccord peut faire exploser le principe fondamental de cette technique. Ça peut pas être mieux lu, ça peut pas être mieux lu. La nuit, ma nuit, ma chérie, ma chérie. Oh, ma volupté. Très heureux d'avoir passé avec toi cette première année. Je sais que me voir lentement me décomposer en salami, en pâté, pour chien, me faire bouffer par ces mêmes félins, t'as rendu perplexe sur mon état intellectuel et surtout sur ma façon de vivre. Oui, oui, oui, je suis marginal. Rénal marginal, c'est moi. Je suis marginal, mais je sais me tenir devant autant de finesse que vous représentez auprès de mes yeux, ma belle adorée. Je ne serai pas comme ce quadrupède qui s'imagine tout le temps que tout ce qui bouge veut lui dire « je t'aime ». Chacun dit « je t'aime », chacun dans tes mains, oublie les problèmes, oublie pas les miens. Chacun des problèmes, chacun dit « je t'aime », chacun dans tes bras. Non, non, non, moi j'ai écouté « ayant 3000 tentacules ». Dans ma tête. Moi, j'ai bien des affaires dans ma tête, mais rien dans le physiquement. Quand tu me regardes, là, c'est l'humain la plus... l'humanité la plus... normative qui soit. Mais par contre, à l'intérieur de tout ça, là, sous ses cheveux volumineux et parsemés vers le dessus, avez-vous vu ça? Regardez, regardez. C'est parsemé. Mais c'est pas blanc. J'ai presque plus de cheveux blancs. Mais ça, je vais arrêter parce qu'en 2013, je vous en ai bavé là-dessus. Puis bon, j'ai eu des courriels. Rénal, arrête d'ajouter ton truc. J'ajoute souvent mon truc aussi. Je suis fait arrêter 4 fois par la police en déjà 2014. Ça fait pas longtemps, là, hein? Ça fait 3 jours. Ils m'ont dit, monsieur Gagné, oui, monsieur Gagné, oui, monsieur Gagné, oui, on y était parti. Ah, grosse discussion entre police et Rénal, là. Gens de la droite et gens de la gauche. J'ai dit, oui, la droite. Rénal de la gauche. Oui, je suis de la gauche. De la gauche. Mais le micro aussi. Le public s'imaginait que le policier, ou en tout cas la police, la force constabulaire, était en avant-plan. Et là, j'ai changé tout ça. Excusez-moi. Non, non. C'est quand même dans l'anarchie, il y a une certaine cohérence. La preuve, je reprends le truc. Ça, c'est la police là, qui va parler. La police. J'ai gagné. Oui. Vous avez quelque chose à divulguer? Non. Parce que? Parce que je ne me rappelle plus. Ça, c'est votre vie en général. Oh, je m'en rappelle, oh, c'est vrai. Savez-vous ce que je fais? Pour ne pas oublier? Oui. Et alors, qu'est-ce que je fais? Non, mais oui, allez-y, dites-moi. Dites-moi, c'est parce que je me fais des liens. Des liens, mais si vous ne vous souvenez plus des liens. Mais à travers ces liens-là, il y a souvent, très souvent, des corrélations de ma vie privée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, exemple, Nino. Nino. Nino Ventura. Oh oui, Lino Ventura. Non, c'est Nino. Il y a Nino Ferrer. La police ne connaît pas ça, Lino Ferrer. Voyons donc, oui, mais pas ça trop tête. Descends. Bon, troisième étage. Deuxième étage. Red Chausses. Non, oui. Il y a des gens quand même éduqués dans cette colonie. Oui. Calotés, oui. Bien flingué. Oh, ben ça, là, j'ai vu trois films sans trop de budget, là, où les gens étaient nus. Il y avait trois polices. Leur dose coupée. Dose coupée, deux moineaux. Non, les doses coupées étaient beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils avaient à présenter. Oh, mon Dieu. Et puis, ça tirait de partout. De partout et de partout. Et puis? Ben, partout, ça, c'est trop, c'est brûlé, ça. Oh, c'est comme certaines chansons, brûlées. Mais c'est qu'en réel, rien n'est brûlé. Tout est à renaître et à nous faire saisir tout. Tout! Ce que je ne peux pas dire à cet instant, parce que mon ami M. Marco, qui est le directeur musical. Qu'est-ce qu'un directeur musical? C'est très simple. C'est un homme qui se promène avec des écouteurs, 24 heures sur 24. Même sa blonde me l'a dit. Et qui, pendant tout son travail de CKRL depuis qu'il est là, ça fait quoi? Ça fait 250 ans qu'il y a des écouteurs. Là, tu arrives lors des radiotons, tu discutes avec, tu dis « Hey, j'ai quelque chose à te faire connaître. » Là, tu vas loin, là, selon toi. Là. Écoute bien, il y a Camille, la chanteuse Camille. Ah oui, je la connais, Camille. Ça, c'est M. Marco. Mais voyons donc, Camille. Ben oui, je la connais. Oh non! Ben oui. Attendez, j'ai Anaïs. Anaïs, oui, je connais. Pas Anaïs Nin. Non, Anaïs, la chanteuse Anaïs, là, qui a fait quatre albums. Et le premier a eu un grand succès, et les autres, pas vraiment. Oui, c'est exactement. Je connais. Voyons. Rénal Gagné. Oh mon, il n'a pas fait des albums, mais des émissions assez ordinaires. Mais c'est moi, ça. Oui, je sais. Oh, Monsieur Marco. Je suis un taquin. Un coquin. Un coquin. La nuit, ma nuit, aussi nuisible qu'une cible inanimée, où se mélange étrangeté et vulgarité, ce moment de la journée où la clandestinité s'efface à la clarté, où les démons dansent dans la noirceur dense, où s'accentuent les trans, où la fin prend son sens. C'est des textes de Rénal Gagné. L'émission est de Rénal Gagné. La musique n'est pas de Rénal Gagné, mais elle est choisie par Rénal Gagné. Et l'artiste a été, quand même, a été travaillé. Travailler, c'est trop dur. Me voler, c'est pas beau. Voyons, les écouteurs. Là, un peu. Demandez la vérité. Chaque jour, je me vois. Chaque jour, moi, je vis. Oh, je vis souvent, moi. On me demande de quoi je vis. Je vis à la seconde près. On me demande de quoi je vis. Ouais, vas-y. Et j'espère de vivre aussi vicieux qu'en 2013. Allô? Monsieur, on est en communication, en mon dos. Les extraterrestres s'emballent. C'est même pas voulu. Qui me croira? Personne. Personne va croire qu'ils sont rentrés en communication maintenant avec nous. Vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec. Je suis totalement hors de moi, puisqu'ils ont capté quelques ondes de mon cortex cérébral. J'ai dit cortex. Cortex. Cortex, ça, c'est les membranes, c'est au niveau neurologique. Mais toi, la neurologie se limite à pas grand-chose. Ben, même pas connaître le mot. Pas connaître le mot. Neurologie. Ben, il y a donc neurones. T'as des neurones? Neurones. Mais j'ai deux runs, moi. J'ai des runs de journaux. J'ai trois runs de journaux. Puis avant ça, je disais journal. Puis Renal m'a dit, tu dis 10 journaux. Alors, je dis journaux. Journaux. Journaux. 10 journaux. Journaux. Journaux. 10 journaux. Journaux. Journaux. 10 journaux. Journaux. Non, OK, oui. Alors, j'ai trois runs de journaux de diabétique journal. Ah, mon doux. Oui, prépare. C'est le journal Le Torchon de Québec. Le Torchon? Le Torchon de Québec. Quoique ça essuie très bien les cages ensoleillées par des oiseaux qui nous réveillent par leurs cris. Pip, pip, pip, pip, pip, pourra! Oui, j'ai un oiseau, moi, qui fait ça, moi. Je me suis acheté à la fin décembre. Excusez-moi, si je coupe, j'aime ça couper. Ah, oh, mon, pas trop pur. Ah, non, coupe-moi ça. Coupe. Eh, oui, demain, hein? Oui, l'oiseau, oui. C'est l'oiseau. Oui, l'oiseau. Et, ouais, je le dis, voyons donc, tranquille, voilà, on est en retard. Mentalement. OK. On y va. On force. Oh, on force. Allez-y, madame, on est à 8. Ah, ben, on se rend comment? À 10. Aïe, aïe, donc. Oh, on force. 8. Je me sens comme un sumo. Sumo. Sous mon nom, j'aime être sage, puisque ça représente quand même mes racines fondamentales. Une racine, c'est féminin, fondamental aussi, c'est pas fondamental. Madame, c'est pas fondamental. Quoique, si on dit des autos cherchent le noyau, les rapports fondamentaux, sous le manteau de l'incohérence, c'est l'émission, bravo! Monsieur le Président, je peux-tu jouer avec le... Pas jouer, mais ajuster. On dit pas jouer, on dit ajuster. Dans le milieu, on dit on joue pas. On travaille, on ajuste. On capte le son le plus efficacement possible pour le propager à notre auditoire qui aime bien, châtie bien. Moi, mes châties, pour l'hiver, je suis très déçu. Comment ça? Ben, j'ai mis du trois quarts. Oui. Trois quarts d'apôtre. OK. Mais je voulais, sincèrement, là... Mettre juste un tiers de tasse de vinaigre. Dans mes fenêtres. Pour enlever la buée. La buée. Ben, quand il fait froid, la condensation. Oh, mon dos. J'ai appris ça à l'école, moi. Condensation. À quelle école? À la maternelle. Maternelle. À la maternelle. Oui. Alors, j'ai dit, est-ce que mon condensateur est... À la maternelle, tu parlais aussi bien que ça. En fait, c'est avec l'âge que j'ai appris à déparler. Mais quand j'étais très petit, là, j'avais un vocabulaire extrêmement élaboré. Je disais, ah, s'il vous plaît, diantre, ne me présentez point ce visage qui risque de me rendre violent ce sous-juillet. Et suintait l'odeur machiavélique de l'éternité. L'éternité. Attendez, madame, s'il vous plaît, rentrez-moi dans l'esprit quelques mots. L'éternité. Moins un jour. Ben oui, parce que, excusez-moi, monsieur, mais lorsque vous avez fêté 2014, 2004, 2013, 2004, moi, je suis déjà en 2015, oui. Parce que je... Oh oui, on y va. Oui, monsieur, c'est le temps maintenant. C'est le temps de propager la nouvelle. Madame? Mademoiselle, monsieur. Good morning. Aïe. Non. J'ai la fâcheuse décision. Ben, on m'a obligé à enchaîner pendant 2 jours et demi, pendant les festivités. Pour au bout du compte, m'obliger à vous relater ce qui arrivera bientôt. En 2015. Je ne peux pas continuer, je ne peux pas, c'est... Je continue. Ah, oui, voyons maintenant. C'est mes mourons, mes minots et papucines. Mes minots. Les bourreaux, ils sont bourrés. On n'est pas bourrés. Ils sont presque bourrés. Voulez-vous un whiskies? Un whiskies très cerise. Très cerise. Alors, on m'a demandé de vous dire... Ça, c'est pas moi. Ça vient pas de mon... de ma réflexion. C'est eux. Leur Dieu. Avant-hier, pendant qu'ils coupaient le pâté chinois, les vapeurs de cet aliment, et surtout, ce que tout ça a amené dans le ciel, c'est pour eux la fin du monde. La fin du monde! La fin du monde est en 2015. Le 17 juillet 2015. C'est pas vrai! C'est vrai! Préparez-vous, madame, mademoiselle, monsieur! Vendez tous vos biens, OK? Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial.com. Si vous avez une femme, dites-lui de m'envoyer ses bijoux. Je me déplace et je la déçois lorsqu'elle me voit. Ah! C'est moi, Rénal. Ah, mon Dieu, vous êtes plus beau à radio. Je suis très beau à la radio, moi. Quand la radio joue cette heure-là, je me souviens d'avoir aimé ce certain sourire. La fin du monde. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité et à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé depuis déjà plusieurs années. Une citation de Virginia Woolf. On va passer ça, on est déjà en retard. Aujourd'hui, le vendredi 3 janvier 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Nous vous présentons ce soir, cette nuit, la dernière rencontre avec mon ami Jean-Pierre Coff. Il est un animateur de radio et de télévision, auteur, cuisinier et comédien français, né le 24 mars 1938 à Lunéville. En 1976, Jean-Pierre Coff ouvre successivement à Paris Le restement est sous le testament de mon piano. Si tu vois là, dis-moi pourquoi. Parce que moi, depuis, j'ai les yeux qui bouchent à la main. Alors, en 1976, Jean-Pierre Coff ouvre successivement à Paris le restaurant La Ciboulette, puis le Modeste, qui devient un lieu prisé de la nuit parisienne. En 92 et 93, il fait ses premières apparitions ayant pour thème la cuisine dans La Grande Famille de Jean-Luc Delarue et Demain de Michel Denisot. En 2003, Jean-Pierre Coff rejoint Michel Drucker sur France 2 où il présente une chronique à Vivement Dimanche. Et malheureusement, le 5 septembre 2012, il annonce qu'il quitte l'émission afin de se consacrer à l'écriture. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste exceptionnel et humaniste. Vous allez vous en rendre compte, et vous en êtes rendu compte depuis déjà 2 semaines. Madame, oui, parce que 2 semaines n'a pas suivi. Ben oui, on suit tout le monde, mais c'est à vous, monsieur Désagrément. We'll be right back. Wie das Wasser und Feuer. Wie Sandsteine im Wind. Mineraldelirium. Aus den vier Elementen entstehen sie. Predelers. Aus Wasser und Feuer. Wie Sandstein im Wind. Mineraldelirium. Aus den vier Elementen entstehen sie. Predelers. Aus Wasser und Feuer. Wie Sandstein im Wind. Mineraldelirium. Mineraldelirium. Mineraldelirium. Mineraldelirium. Bien sûr que c'est la corruption. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Fait que vous pouvez amener votre propre vin, ce que vous voulez. Ah non, je ne veux pas ça. Non, ah ah. On en a où je vais, mais. Non, mais. La dernière. J'avais apporté 1,5 kg de truffes. Pour que pour Noël, on puisse avoir des trucs pour tout le monde. C'est bien. Mais le problème, c'est le partage. Vous n'allez pas vous gaver une énorme truffe là si vous dites pas à la voisine ou au voisin, vous n'en voulez pas un bout. Pas, enfin, je sais pas, moi, c'est... J'ai peut-être des idées un peu cons, mais c'est comme ça. C'est bien, c'est bien. Puis je suis heureux de voir un homme de 75 ans avec autant de fraîcheur. Ma mère en a 74 et souffre de démence vasculaire. C'est l'Alzheimer, mais qui ne se soigne pas. Ah merde. Beaucoup de gens qui atteignent 60 ans sont aux prises avec l'Alzheimer ou la démence. Et quand tu vois des gens comme vous, ben, je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça. Oui, mais vous voyez, je me suis fait opérer il y a 15 jours. Oui. J'ai un triple pontage. J'ai... Puis vous avez votre tête, c'est ça qui était extraordinaire. Je ne surveille pas. Mais... Je bois, je fume. Oui, mais peu importe. Mais je fais attention à ce que le moteur soit toujours en bon état. Oui. Maintenant qu'on peut changer des pièces. Ah oui, c'est merveilleux, oui. Mais votre esprit est encore là, présent. Ben, je ne sais pas. Ben oui, moi je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Oui, mais... Ben oui, et... c'est rafraîchissant de voir des gens de 75 ans avec une ouverture aussi incroyable, parce que normalement, c'est des individus qui se rappellent le temps passé. Ah, c'était mieux à l'époque. Ou... Et là, ça commence à parler de nostalgie. Et vous, vous êtes un homme du futur. Vous êtes un homme d'avant-garde. Non, mais... La nostalgie... Je ne suis pas très partisan de la nostalgie. Non, c'est ce que vous aviez dit au début. Vous êtes un homme vraiment de... Moi, je... J'ai des projets jusqu'à... J'ai signé des livres jusqu'en 2017. Alors, vous croyez à votre longévité? Mais je vais faire en sorte que ça se passe. Je ne vais pas, je n'y crois pas. Je dis, vous savez, j'ai eu un exemple dans ma vie. C'est mon ami Carmel. Je reviens toujours à lui parce que c'était mon ami vraiment. Dites-moi, mesdames, je vous dérange encore une fois, je peux fumer ou pas? Allez-y. Vous n'avez pas de cigare, vous voyez. On a fumé. Vous? Ça va, s'il vous plaît. C'est mon dessert. C'est votre dessert. Et il me disait, pendant 6 mois, il m'a dit, la grande faucheuse rôde. Je lui ai dit, arrête de nous faire chier avec ça. Elle rôde pas. Ah non, mais je sens. C'est pas loin. Alors, vous auriez pas pour un cigare des allumettes. Un briquet ou des allumettes. Vous voulez des allumettes ou un briquet? Un briquet, ça va. Un briquet, ça va. Très bon, ouais. Très bon. Bien l'andouillette. Ah oui. Sublime, sublime. Désolé pour les os à moelle. Pas de problème. Pas de problème. Ça vous dit du petit fromage? Je vous l'offre. Non, vous êtes gentil. Du tout? Moi, j'en veux pas. Non, merci, parce que je n'ai pas envie. Non, c'est bien. Vous en voulez, vous? Non, merci. Je veux un petit assortiment de trois fromages. Non, merci. Non, non, merci. Très gentil. Alors, je dis, tu nous fais chier, etc. Arrête de nous emmerder avec ton histoire de faucheuse. Et puis... Le samedi... Tous les samedis matins, pendant peut-être 20 ans, où que nous nous trouvions, Jean-Claude Carrière, Jean Carmet et moi, on se téléphonait le dimanche matin. T'es où? Tu fais quoi? Alors, la semaine, machin. Et on se racontait des conneries. Et le jeu consistait à ce que chacun raconte la connerie de l'autre à l'autre et qu'on arrive à faire une histoire. Ouais. Et le samedi matin, il ne nous appelle pas. On s'appelle, je dis, t'as des nouvelles de Jean? Non. Bref, il y avait une ambiance comme ça, lourde, sans le savoir. J'appelle le dimanche soir, je l'ai, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, j'en ai marre, je crois que c'est la fin, là. Je lui dis, écoute Jean, tu viens de signer un contrat pour faire un film formidable avec Châtillier. Tu vas pas nous emmerder avec ça, il va falloir que tu sois en forme, prépare tes tisanes, tu tombes dans 3 semaines. Enfin, merde, qu'est-ce que c'est que cette idée que ça tourne, t'es heureux, tu vis avec une dame que t'aimes, t'as de l'argent, tu n'as pas de problème de tourner. Arrête. Oui, mais bon, on s'appelle lundi. Dimanche, moi je tournais à ce moment-là, c'est tout coffre. Et j'en tournais 3 par jour, donc... Et le soir, je rentre chez moi, il était 11h, coup de téléphone de Depardieu, qui me dit, monte à Sèvres tout de suite. Je dis, attends, Gérard, il est 7h30 du soir, il est 11h30 du soir, je vais pas monter à Sèvres, pourquoi, pour boire un coup, tu déconnes ou quoi? Je me lève demain matin, moi je tourne à 7h, je sais pas ta vitalité, moi il faut que je dorme. Non, non, monte tout de suite. Je lui dis non, je ne monterai pas. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous serve de couverture? Que je vous dise qu'on a passé la nuit à rigoler, à picoler, alors que vous êtes chez des gonzesses? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, non, viens, Jean est mort. Je dis, Jean est mort. Tu déconnes ou quoi? Je dis, non, il est mort. Tu dis, monte vite. Alors, je prends ma voiture, je monte. Je ne raconte pas, il habitait Sèvres. Jamais j'ai fait Paris-Sèvres aussi vite. J'arrive, il y avait déjà des policiers devant la porte. Ils me laissent passer, on arrive, on était en tout petit comité. Il était mort. Le matin, sa femme était partie voir son oncle au Havre. Donc, il était seul. Il décommande sa femme de ménage qu'il n'avait jamais fait. Lui qui vivait en peignoir et en chaussons chez lui, il était habillé, il avait mis son plus beau costume, celui qu'il aimait, c'est-à-dire son pull bleu ciel, avec sa veste bouton d'or et c'était préparé. Il attendait. À 7h du matin, il était habillé comme ça. À 7h30 du soir, tac, rupture d'anévrisme, il est mort. Et vous savez ce qu'on a fait, nous, à 3h du matin, Gérard et moi, on a bu un coup avec lui. On lui a écarté les lèvres et on a fait passer du vin, les deux. C'était formidable. Incroyable. C'était un adieu, un ami. Solennel. Ah, je ne suis pas sûr que le vin était très bon, mais en tout cas, on l'a fait. Mes amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée, sur quelle montagne, sur quelle jetée? Aux amis, perdus de vue, loin du cœur, loin des corps. À la vie, à la mort et au changement de décor. À la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Combien avez-vous pu faire d'enfants, de divorces et d'enterrements? La du coffre-fort. Les gynécos, c'est plus des assassins. Le Vatican encourage tous les vaccins. Faites l'amour, la chose est dite. Oui, bon, mais faut faire vite. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Ce matin, la chanson s'est mise taquinée par un lapin. Je vois la vie en rose non dedans, dans la ville du même nom. Écoutez ça, c'est une chanson terrible, comme pour train qui est possible. En me levant ce matin, bonne mine, j'ai mis des petits plats dans les plus beaux tagines. Car une voisine a dit bonjour à son voisin, et tout le monde peut soucier l'examen. Dans les coursives, on expose Gauguin, au Capitole, on accueille des forêts. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout le lascar vivant à la mode du scrutin. Ils ont les fringes, ils ont bras des copains. La République veille aux graines. On est longé, mais c'est plus entre quatre planches. Les propriétaires font pâte blanche. C'est la folie, les seins à leur toussaint. Le pape au pieu, la poule à ses poussins. On entre en boîte à l'espadrille, devant la porte des joyeuxeries. Qui te propose la sainte frappée? Mais c'est qui l'a frappé? C'est la fête pour ceux qui marchent avec des souliers sur la tête. C'est la... Bédo. Oui, Bédo, c'est Jean-Pierre Léo. Vous m'avez appelé pour réagir au film que vous m'avez proposé. Allô? Allô, c'est M. Bédo. Oui? Voyons donc, vous m'avez appelé. Vous vous en souvenez pas? Oui? Bon, c'est M. Bédo. Oui? Bon, votre film, là? Oui? J'ai lu j'ai lu. Allô? Voyons, oui? La ligne êtes-vous à Québec? Oui? Ah, ça tombe mal, moi je suis en Suisse. Lausanne, Suisse. Oui? Connaissez-vous Lausanne, Suisse? Oui? Ben, c'est juste à côté de Lausanne. C'est la Suisse. Oui? Ça n'a aucun... Non, non. Vous êtes un imbécile ou... Oui? Bon, OK. Parce que la Suisse, c'est un pays. La Suisse, c'est un pays qui ressemble à l'Europe, mais ils sont distincts, bientôt comme le Québec, qui se déchirera du Canada, enfin. Je le souhaite. Oui? Bon, oui, monsieur, excusez-moi, j'étais parti, là. Oui? Dans mon pays qui s'appelle le Québec. Oui? Et vous, vous êtes à Lausanne. Oui? Ah, c'est beau, Lausanne. Oui, écoutez, je vais vous rappeler une petite anecdote savoureuse. Mm. Très savoureuse, mais juteuse plutôt. J'étais à Cherbourg. Vous connaissez Cherbourg, bien sûr? Oui. Pas Charlebourg, là. Les parapluies... Oui, juste... Non, c'est... Les parapluies de Charlebourg, ça n'a rien à voir avec. Oui? Oui, oui, peut-être un petit peu. Mais moi, j'étais à Cherbourg. Et j'ai traversé, pas la nage, quoi, mais... j'ai traversé avec un gros bateau. Un gros, gros bateau. Ah, mon doigt, c'était immense, là, mais j'étais sur mon bateau. Puis j'aimerais que tout le monde ensemble, ça, c'est mon grand succès, j'aimerais que tout le monde ensemble chantonnier avec moi, j'étais sur mon bateau. Madame, oh, mon God, j'étais presque endormi, mais réveillez-vous, oh, mon, la parenté est arrivée, non, non, non. On est prêt? Oui, je suis presque prêt. Alors, c'est le bateau. Le bateau. Mais non, c'est pas le bateau. Le bateau, le bateau. C'est, j'étais sur mon bateau, OK. J'étais sur mon bateau. Tran-lan-lan, tilan-lan-lan, sur mon... Allez-y, madame. Vous n'êtes pas capable de suivre, OK. On recommence en temps. J'étais sur mon bateau. Tran-lan-lan, tilan-lan-lan, sur mon patatato. Tran-lan-lan, tilan-lan. Madame, vous jouez pas la caracosse comme... suivez les rythmes. Enlevez-vous... Non, non, enlevez-vous du chemin. Non, vous êtes merveilleuse, on vous embrasse, là. Vous êtes la fille la plus flamboyante du monde entier. Si t'as jamais vu autre chose que votre présence qui est divine. Venez, divine Messine. Non, mais allons donc, j'étais sur mon bateau. J'étais sur mon bateau, tralalantilalan, là sur mon patatato, tralalantilalan, là sur mon patacitata, sur patatato. Oui, oui, du ok, ok, ok, ok. Alors, on y va ensemble? Comment ça, tu t'en perds plus? C'était très simple, là. Je le refais une deuxième fois, OK? J'étais sur mon bateau, tralalantilala, là, sur mon patatato, tralalantilala, là, sur mon patatitata, sur patatato, oui, oui, du, OK, OK, OK, OK? Ah, là, si vous suivez pas, c'est pas mon problème, moi, là. C'est très simple, la radio, là. Vous l'écoutez, ouvrez le son, faites quelque chose, Simonac. Moi, je suis très, très tendre, très, très gentil, mais quand il y a de l'incompréhension, puis il y a de la mauvaise volonté, je deviens violent. La violence peut s'échanger de ma part, surtout par des électrocutions. Alors, tenez-vous loin du poste. Là, vous l'avez entendu plusieurs fois. Là, c'est une de plus. Rattrapez-vous. Un, deux, trois. J'étais sur mon bateau, tralalantilalan, là, sur mon patatato, tralalantilalan, là, sur mon patatata, sur patatato. Oui, oui, du, ok, ok, ok, ok, ok. Ah, maman, oui. Non, j'ai dit diantre. Diantre de Saint-Sidiantre, que de viande se couche devant aucune connaissance intellectuelle. On recommence, OK? Un, deux, trois. J'étais sur mon bateau, tralalantilalan, là, sur mon patatato, tralalantilalan, là, sur mon patatata, sur patatato. Oui, oui, du, ok, ok, ok, ok. Enlevez-moi ça du monde. Non, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. On va enchaîner avec Bukowski parce que moi, là, je suis sur mon bateau, tralalantilalan, qui s'en va de Cherbourg à Lausanne. C'est un beau voyage, 23 heures. Ah non, ça c'est... Non, c'est pas ça du tout, moi. C'était de Cherbourg à l'Islande, Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le... À quelle place j'étais pour aller l'autre? Non, mais je suis vraiment parti de là-bas pour aller à l'autre là-bas. Éric! C'est Éric, mon ami Éric. Éric! Où étions-nous? Il répond pas. Allô? On va l'appeler, Éric. On va appeler? Non, on peut pas. Ben oui, on y va. Éric a deux enfants. Là. Troisième en préparation. Là. Je crois que la préparation, on va l'arrêter en plein... C'est le cerveau ombilical. Éric! Oh, hey, Éric, ça va? Okay. Je te dérange pas, toi, là? T'es-tu sur ton nénuphar ou... OK. Hey, moi, j'ai un petit problème de souvenance. Ouais. On était ensemble à un moment donné en 80, je sais pas quoi, là. On a fait l'Europe ensemble. Hein? Quel beau plaisir. Hey. On a embrassé de la fille là-bas. Hein? Excuse-moi, ta blonde nous écoute. Pas vraiment. Moi, j'embrassais, lui, il me présentait. Je te présente la fameuse et j'embrassais la fameuse. La fameuse, allez, pas lui. Non. Mon ami Eric est un gars très, très, très, très, très sérieux dans son couple. Ouais. Hey, Éric! Bon, j'ai une petite affaire à te demander, là. Là, je suis presque en onde, presque. Presque en onde. Je suis presque conscient encore. Ouais, presque conscient. Toi, tu sais, à ton audition, tu l'es véritablement, là. Bon. Hey, tu sais qu'on a voyagé, à un moment donné, on était à Strasbourg. Pas à Strasbourg, mais... Cherbourg. Strasbourg, Strasbourg, c'est bien sûr occupé par les Allemands, et puis c'était sublime, très beau. La cathédrale de Strasbourg était plus belle que celle de Charlebourg, mais allô, monsieur Eric? Entre nous, on ne sait plus monsieur, là. Hey, on se connaît de partout, hein? De partout. C'est-à-dire qu'on s'est connus au travail. Ça s'est. Tout ça s'est dégénéré en colocation. De colocation, on voulait chercher la raison de vivre, où va-t-on, Casper, Coucourge, et on a décidé de faire l'Europe entière en une année. Et puis on a vécu dans une tente qui s'appelait Bertha. C'est vrai, hein, Eric? Bon, une belle tante Bertha. Et puis, on lui avait fait des yeux, une bouche. C'est moi qui avais fait ça, parce que c'est moi le créateur là-dedans. Lui, c'est un poète. Puis on a écrit aussi pour une chanteuse, Cat Girl. Ça, c'est mon texte. I am a cat girl, je suis... Ça s'appelle quoi la chanson? I am a cat girl. On n'a pas le temps! C'est triste. Much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, now right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. All together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm. I may be totally wrong, but I'm. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Yeah. J'ai 10 questions de la fin. Oui? Si vous étiez un liquide. Un liquide? Il sent bon. Oui. Ça sent très bon. Je voudrais être... On va dire aux auditeurs que vous fumez un cigare. C'est pour ça que je dis qu'il sent très bon. Pardon? Parce que les gens de la radio se demandent ce que je dis là en stipulant que ça sentait très bon. C'est parce que vous venez d'allumer un cigare. Voilà. Oui, ah oui, faut le dire. Faut le dire, on est à la radio. C'est... Si je devais être un liquide, je pense que je voudrais du champagne, parce qu'avec le champagne, je dois faire un commentaire ou pas? Oh oui, allez-y, bah oui, bah oui, bah oui. Parce qu'avec le champagne, on peut... Ça encourage à faire l'amour, qu'on le veuille ou non. On peut se laver, ce qui est quand même oui. absolument délicieux, oui. qui apporte un infini moment de plaisir. Vous lavez vos organes sexuels avec du champagne, tout à coup, tout devient un rêve absolu, magique, bien sûr. Et parce que c'est un délicieux agascule, le champagne. Oui. Si vous étiez une ville... J'hésite entre deux villes, mais je crois que je choisirai Bordeaux. Pour moi, c'est maintenant une des plus belles villes du monde, tellement intelligemment refaite par Juppé. Tellement belle, jolie, entière dans son style, ou alors Florence. Oh, c'est bien l'Italie. Mm. Ah oui. Mm. Si vous étiez une langue. Une langue. J'aurais aimé être une langue de pute. Ok. On n'est pas loin, hein. Pigalle est juste en bas. Oui, j'aurais aimé être une langue de pute. Si vous étiez une époque. J'aurais aimé vivre entre 1925 et 1940. Pourquoi? Parce que c'est une époque où ça a vraiment évolué. Les femmes ont découvert leurs jambes, leurs fesses, leurs seins. On était libres. C'était la fin du corset. C'était... il y avait quelque chose qui se passait là. L'évolution sur le plan du mobilier est incroyable. L'évolution sur le plan de l'architecture est absolument inouïe. C'est une période de ce pays. C'est l'arrivée du chemin de fer, c'est l'arrivée de l'automobile, c'est l'arrivée de l'aviation. Vous imaginez la curiosité dont on pouvait faire preuve. Maintenant, on vous donne un nouveau smartphone. Bah oui, c'est un nouveau smartphone. Vous pouvez faire une photo. Bah oui, d'accord. Bon, on a eu l'appareil de photo avant. Mais là, entre cette période-là, c'est, on a tout eu. Tout ce qui fait que ça s'améliore en ce moment, c'est à partir de là. Alors, c'est le moment charnière. Ah, pour moi, oui, bien sûr. Si vous étiez un mot. Un mot ? Je m'appellerai Avenir. C'est bien. Pour tout ce que ça amène. L'avenir, la découverte, les rencontres à venir, les amours à venir, même à mon âge, les sentiments à renouveler, à venir, la découverte de mes arbres dans mon jardin qui grandissent, la découverte des fleurs qui vont éclore que je ne connais pas. Voilà, c'est ça l'avenir. Mais oui, c'est partout, c'est dans n'importe quel sens. C'est une autre rencontre comme la vôtre, c'est demain, celle-là elle est faite, maintenant il y en aura une autre. On se retrouvera peut-être, ça sera une autre dans l'avenir. On ne va pas se revoir hier. On va se revoir que forcément demain. C'est vrai. Si vous étiez un aliment. Un aliment. Je serais un œuf. Hein? Un œuf. Ok, un œuf, oui. Un œuf de poule ou un. Un œuf, tout court. Dans l'œuf qui a la vie. Et dans l'œuf, il y a absolument toute la nourriture que vous voulez. Il y a tous les symboles. Le soleil, la lune, la ville, tout est dedans. L'œuf, c'est l'aliment le plus complet. En plus de ça, vous n'avez même pas besoin de beefsteak. Un œuf, c'est un beefsteak de 100 grammes. Vous avez des protéines, vous avez tout. C'est un aliment miracle, l'œuf. Et c'est le meilleur marché qu'on puisse trouver. Eh oui. Si vous étiez une saison. Là, je devrais dire l'hiver et je vais vous dire le printemps. Okay. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. C'est le moment où on est dans l'attente de ce qui va se passer en été. C'est le moment où tout se régénère, où tout se reconstruit, où tout revit, où tout est à nouveau en vie et non pas en l'attente, en latence. Oui, c'est vrai. On renaît. Le printemps, on renaît. C'est... Si vous étiez un membre corporel. J'aimerais être une main. Avec la main, c'est sûrement le membre le plus égoïste. Et en même temps, le plus généreux. Je peux me donner du plaisir et je peux en donner. Je peux dessiner. Je peux vivre en mangeant. Je peux toucher. Je peux jouer d'un instrument. Je peux peindre. Je peux tout faire avec ma main. Eh oui, la main. C'est l'humanisme aussi, c'est serrer la main, c'est de... J'échange avec la main. Effectivement. Si vous étiez un moment de la journée... J'hésite entre eux. Le réveil et la sieste. Parce que c'est deux moments qui régénèrent. C'est le moment où vous recommencez à vivre. vous êtes un peu endormi pour vous régénérer et dans ces deux cas-là, vous repartez. C'est une seconde vie à chaque fois. Ben, une seconde vie, peut-être qu'une heure, mais c'est un renouveau chaque fois. Si vous étiez un autre individu, le nom de quelqu'un? Un autre individu. J'aurais aimé être... Mais sans jalousie aucune, bien sûr. J'aurais voulu être Jean-Claude Carrière. Je trouve que c'est l'homme le plus brillant du 20e et 21e siècle. Il doit avoir 8 ans de plus que moi, pas tout à fait. Il est d'une culture encyclopédique, c'est monsieur Pic de la Mirandole. Il sait tout, il s'intéresse à la philosophie, à la guerre, aux événements. Il est d'une curiosité incroyable, il a connu les plus grandes personnalités de ce monde. Parmi, il a écrit des choses formidables, il a fait du cinéma, du théâtre, il a adapté le Maravata, elle sait Jeanne et moi c'est Blaise, ça se passe à Saint-Jean-du-Doigt. Faudrait que je monte sur une chaise, car elle est plus grande que moi. Faudrait que je monte sur une chaise, ça va mieux quand elle s'assoit. Je suis comme au pied de la falaise quand son grand corps se déploie. Je respire ses charentaises et c'est son nombril que je vois. Allez Jeanne, y'a pas de malaise, viens donc admirer chez moi mes estampes japonaises et puis mon chapeau chinois. J'en ai 13 et c'est vrai que j'ai les pieds froids, mais mon cœur est une braise et je ne suis pas maladroit pour danser la Saint-Jeanaise qu'on danse à Saint-Jean-du-Doigt. Elle m'a fait une clé anglaise quand je l'ai cru prête à l'emploi. J'ai pris une douche écossaise, c'était chaud puis c'était froid. Une chaleur de genèse, puis le mercure à moins 33. Erreur, fallait pas que je biaise, fallait pas sortir du bois. Car la Jeanne, elle est pas niaise, même si elle n'a qu'un petit poids. J'ai un pull cacadois. Elle c'est Jarre et moi c'est Blaise, ça se passe à Saint-Jean-du-Doigt. Fixé avec une punaise, épinglée à la paroi, pour la regarder à l'aise, j'ai mis son portrait chez moi. Soit dit entre parenthèses, faut pas le crier sur les toits, c'est mon polochon que je baise, vous imaginez ma joie. Extrait du livre de Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Dans la cape d'un amateur, on fait des connaissances. On est entre bouteilles de qualité, des grands, des châteaux, millésimés, réputation, bien sûr. Attention, nous n'avons jamais été snob, Bombin et moi. Nous avons toujours sympathisé avec de nombreux vins modestes. Modestes d'origine, mais de qualité. Les grands vins ont quelquefois à envier la noblesse des petits et leur simplicité. Certains petits blancs, sec, nerveux, légèrement perlant, plaisait bien à mon vin. Il le traitait affectueusement d'agascu. Il aurait voulu le goûter sur ma peau, après que je me sois baigné dedans. L'idée me plaisait bien. Se servir d'un vin pour renouveler les plaisirs de l'amour, après plusieurs années de vie commune, c'est bien tentant. Mais une bouteille... Il nous rêvait souvent faisant l'amour à trois. Ah, son imagination était d'une fertilité incroyable. Quelquefois, ses fantasmes m'excitaient, et d'autres moins. Vous savez ce que c'est, faire l'amour à plusieurs. Faut que ça fasse envie à chacun, sinon il ne s'agit que d'une partouze. Moi, j'étais partante pour toutes les folies, mais bizarrement, il refusait toutes mes suggestions. Je crois bien qu'il était jaloux. Mais finalement, nous étions comme tous les couples. Nous avions des envies d'ailleurs, voulions les vivre ensemble pour ne pas prendre le risque de tout casser. Dans cette cave, mon vin et moi, on se faisait plutôt discret. On était des genoux. Pas facile d'en placer une quand un Montrachet 1811 fait la conversation avec un Clos Vougeot 1864, on peut que se taire. Ah, mais c'était pas les plus vieux. Il y avait les Allemands. Johannisberg, 27, Rüdesheimer, 48, 1700. Oui, parfaitement, 1727, 1748. Et pas des vieux cons, pas du tout. Sympa, des bouteilles qui ne ressemblaient en rien aux bouteilles françaises. Non, mais quand vous apprenez qu'un vin a été mis en bouteille en 1727, vous êtes en droit d'imaginer qu'il n'a plus rien à dire. Erreur. Oh, il ne prétend pas au marathon. Mais il a gardé des traces d'éclat, des vestiges d'arômes. Il vit encore et c'est émouvant de le voir faire des efforts pour s'exprimer au mieux, offrir ce qui lui reste pour nous rappeler ce qu'il a été et nous donner des regrets de ne pas avoir su en profiter quand il était au mieux. Souvent, le buveur manque d'indulgence devant ses vieilles bouteilles. Quelquefois même, il manifeste une déception coléreuse qui n'est pas de mise. Le vin vieux, comme le vieil homme, mérite le respect. $22,000 job in the city is alright. $22,000 job in the city is alright. $22,000 job in the city, that sounds nice. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. $22,000 job in the city, it's alright. $22,000 job in the city, that sounds nice. $22,000 job in the city, it's alright. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. Got from work, looks alright. The lights are too bright. Broken sales likes a two. What am I supposed to do? But he's earning 28 and I'm on 22. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. $22,000 job in the city, it's alright. $22,000 job in the city, it's alright. $22,000 job in the city, it's alright. $22,000 job in the city, it's alright. Down to Old Street Thursday night. In the city, that sounds nice. Talking shop with my colleagues. Did we do the same degree? You said less to me all week. Got to go, I'm in early. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. 22. Claude, j'avais une question. Quelle folie voudriez-vous exécuter à mon émission? Quelle folie aimeriez-vous exécuter à mon émission? Avant l'émission? Non, non, à mon émission, actuellement, quelle folie vous voudriez faire? Si vous voulez en faire une, si vous voulez pas... Malheureusement, je n'ai pas envie, mais je pourrais péter. OK. Parce que c'est une forme de liberté. Oui, c'est vrai. Et c'est assez salvateur, finalement. Mais il faut quand même avoir un minimum d'envie. Oui, il faut être prêt. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans le temps, avec des copains, on allumait des pelles. Ah oui, oui, oui, oui, oui, tout le monde fait. Oui, oui, ado, tout le monde. Vous l'avez fait, vous? Ben oui. Ah bon? Ben oui, au Québec, c'est fréquent. Ah bon? Ah oh, oui, oui, les bûcherons, là, oui, c'est un plaisir à oui, plusieurs. Oui, mais c'est bien quand on n'a pas de poil au-dessus, parce que quand on ah oui, ça brûle. Ah oui, ça brûle. À choisir, feriez-vous le même chemin? Je perdrais peut-être moins de temps, mais j'ai pas de regrets. Moins de temps avec des gens ou avec des idées, avec... J'oserais davantage. Et vous croyez que vous avez pas assez osé en 75 ans? Je suis très timide, malheureusement. Vous êtes timide? Horriblement timide. Non, oui, je suis timide. Non, j'ose parce que... Vous voulez un café? Oh non, merci. Ah mais moi je voudrais un double café, une vadillon serré. Ah, comment vous voulez? Je voudrais tirer un double serré, je vous fais ça. Et l'addition. Ouais. Attendez, on va faire par là. Ça va arranger. Voilà, c'est bon. Ça passe bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, mesdames. Bonne journée. Bye. Salut. Est-ce que ça vous arrive souvent de discuter avec des gens que vous ne connaissez pas pour le plaisir? Mais c'est le seul intérêt que ça présente, la vie, c'est de rencontrer des gens. C'était ça qui me fascinait chez Carmet, c'est qu'il pouvait parler avec le garçon de café pendant une plombe s'il était tout seul et qu'il n'y avait rien à foutre, ou alors il allait au comptoir, il bavardait avec des gens. Oui, mais les gens ne sont pas intimidés par vous? Bah, non, parce que... Vous êtes l'homme du peuple? Non, mais je suis de plein pied avec... Vous savez, depuis 84, le 4 novembre 84, que je fais de la télé, et que je suis à la radio, à la télé, un peu partout, tout le temps, je pense que ce qui les rassure, c'est que mon discours n'a jamais changé. Moi, ça va faire 40 ans que je fais ça, enfin... 84, 94, 2004, 2009, 30 ans seulement, je me vieillis bêtement. Ça fait 30 ans que je dis les mêmes choses. Je ne change rien. Je dis les saisons, je dis le produit, je dis l'éducation pour les enfants, je dis la convivialité, je dis l'échange, je dis l'amitié, je dis l'amour, je dis toujours la même chose. Je dis le plaisir, donc je ne bouge pas. Alors je change parce que à un moment je faisais ça à la télé, maintenant je le fais. Vous changez de médium. Ça peut être la télé, ça peut être la radio, ça peut être les livres, ça peut être votre CD aussi, audio. Oui, mais ça c'est pour rendre service à un producteur. Le CD audio? Oui, c'est un producteur qui était le producteur de Reader Digest qui a monté sa propre boîte, qui m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main au début, je lui ai fait ça. Et c'est très bien, la qualité sonore, la musique est incroyable. Oui, c'est bon. C'est vraiment très bien réussi et surtout on apprend. Puis même, ça finit par la petite morale de l'alcoolisme à la toute fin. En fait, ça peut rapidement sembler à être l'apologie de l'alcool, mais au contraire, vous revenez avec la faim pour ramener les gens en leur disant « Non, non, non, non, c'est pas bien trop boire, il faut savoir goûter au lieu de s'enivrer, comme disait Reggiani. Reggiani disait le contraire. Mais c'est ça, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir délecter. Il faut savoir délecter. Et c'est ce que vous dites à la fin de votre... le plaisir. Oui. Le plaisir n'est pas dans l'excès. Non, non, non. C'est ça. C'est ce que vous dites aussi, là, dans votre CD. Parce que là, ça parlait de l'histoire de vin, de bouteilles, de bouchons et tout ça. C'est l'amour. Oui, effectivement. Effectivement. C'est le rapport entre l'homme et la femme. C'est une, c'est un, une sorte de paradoxe. Enfin, c'est une comment on dit, je ne sais plus, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est, oui, oui, oui. C'est une allégorie ou oui. C'est l'histoire. Une métaphore. Et, métaphore. Est-ce que c'est possible de vivre 50 ans avec la même personne? Oui. Et comment on fait pour renouveler le plaisir d'être ensemble pendant 50 ans? Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui ont vécu 50 ans ensemble. C'est quelque chose qui me bouleverse. Et moi, ce qui me... Je discute des fois avec des gens et qui ont, je ne sais pas pourquoi, qui se confient à moi. Je dis aux dames, mais pour 50 ans, vous avez dû vous emmerder, non? C'était pas tous les jours rigolo, quand même. Je dis, vous l'avez trompé un peu? Non. Il y a dû avoir des envies. Comme... Ah oui, évidemment, bien sûr. Tout le monde a des envies d'ailleurs. Tout le monde a des envies de rêve. Mon histoire, c'était pas possible puisque vous êtes tenu par un... C'est une des raisons pour laquelle le mariage religieux avec ses règles ne m'intéresse pas tellement. Je suis, étant pour la liberté, je suis partisan favorable, absolument favorable au mariage homosexuel, au mariage de ce que vous voulez d'ailleurs. Avec deux chiens, s'il fallait les marier, finalement, moi j'ai dépassé une. Des chiens, c'est avec les deux oreilles. Ils sont fidèles l'un à l'autre. Et ils sont. J'en ai quatre, il n'y en a pas un qui va essayer de tirer la grossesse de l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont en couple. Et ils s'aiment. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui fait bander les chouilles et l'autre, mais c'est comme ça. Mmh. Et c'est l'envie qui donne du mérite à votre résistance. Eh oui. Et votre vie, c'est fait comme ça, c'est fait avec, avec amour et conviction. Merci. Avec amour. Non, non, je vais payer. Non, non. Monsieur Koff. Quoi? Je vais payer. Non, pas du tout. Vous êtes ici en France, vous êtes mon invité puisque vous êtes en France. Vous êtes bien gentil. Quand vous viendrez au Québec. Vous ferez ce que vous voulez. Oui, d'accord. Pour le moment, c'est pas fait. Vous êtes bien gentil, Monsieur Koff. Bien gentil. Très bien. Très, très gentil. Et votre... Non, je veux dire. Ce qui me fait rire, c'est ça. Je vous connais pas. L'autre jour, je dînais avec un éditeur avec lequel je vais travailler. Et... je lui dis non, monsieur, l'addition est pour moi. Il me dit pourquoi. Et je dis parce que je ne me suis jamais fait inviter par un éditeur. Vous êtes mon fournisseur. Or j'invite les fournisseurs à dîner. C'est pas à eux de m'inviter. Mais vous êtes incroyable. Il y a deux personnes comme vous en France. Il y a Dormesson et vous. Vous ne prenez pas d'Avaloir. Et je suis désolé de vous déranger. Bonjour Jean-Pierre, je suis venu chanter chez vous. À l'occasion de la sortie d'un livre avec Thomas Fetterman, il y a à peu près une petite dizaine d'années. Oh, c'est possible. Ah, c'était, il y avait les représentants de Fleury, je pense. Les représentants de... Il y avait qui? Il y avait... Là, vous me posez une colle. Mais c'était avec Thomas Fetterman et Philippe Alterac. Et c'était dans votre belle propriété, dont j'en ai encore un très beau souvenir, parce que c'est une très belle maison. Et quand je m'étais présenté, je vous ai dit bonjour, je suis le chanteur de votre animation. Et vous m'aviez dit, personne n'est parfait. Oui, mais ça... J'ai adoré votre humour. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. C'est la réalité. Mais je vois que vous vous êtes amélioré. Non, vous ne vous souvenez pas de moi, donc vous ne pouvez pas savoir. Non, mais pardon. Mais... C'est par gentillesse. Salut, bye, à la prochaine. Salut, aucune idée. Et vous rencontrez beaucoup de personnes comme ça qui vous renvoient à un passé que... Non, mais je n'ai pas souvenir que qui que ce soit venu chanter chez moi en dehors de Nathalie Dessin. Mais là alors, ça me trouve plus parce que bon, je peux avoir des souvenirs comme ça qui s'effacent, mais à ce point-là... Mais ça se peut, là, ce qu'il vient de dire. Non, c'est... mais il y a peut-être... Il y a 10 ans, il était peut-être moins abîmé qu'il ne l'était. Ah oui, c'est... Oui, effectivement. Together on the roof of the party, 5 stories removed from the troubles on the street. The sun arose, revealing the goosebumps on your arms, a sign that we should move together somewhere warm. We dance together. We dance together. We dance together. partout serai prêt à m'aimer, m'encenser ou me trahir. Qui est l'esclave? Qui est le maître? L'anarchie dans tous vos têtes. Respect pour autrui, vous me haïrez. du livre de Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Ah, j'ai connu le cidre aussi. Est-ce que j'ai la tête et la forme d'une bouteille de cidre? Franchement, non, mais je te le demande. Toi encore, ça pourrait aller, mais moi... Il m'avait même mis un bout de fil de fer sur la tête pour ne pas que le bouchon s'en aille. Mais le pire qui me soit arrivé, c'est quand j'ai été foraine. Oui, bouteille foraine dans un stand de tir. Oh, je sais plus comment, je buvais tellement. Je me suis retrouvé chez un négociant qui m'a collé sur une chaîne d'embouteillage automatique. Par quel miracle ne me suis-je pas cassé? On était bouillanté, secoué, rempli d'une mixture qu'ils appellent vin fin. Non, j'ai vu ça sur l'étiquette. Moi qui l'avais dans le ventre, j'en avais tellement honte que j'espérais qu'il irait jamais dans un estomac. Oui, vin fin. J'étais sur une étagère et ça canardait dans tous les sens. Je ne sais même pas comment j'en ai réchappé. Ils sont tellement maladroits. Je voyais des types encore plus bourrés que moi qui tiraient dans tous les sens finir brisés par du petit plomb alors qu'on a échappé aux bombes. Avoue franchement, non, finalement, j'ai été gagné, vidé dans des gobelets en carton, c'était beaucoup d'honneur hein, pour le contenant, mais j'étais si heureuse de me retrouver seule dans un fossé. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on boit ? J'ai jamais bu pour oublier ni pour être gai. J'ai seulement bu pour rêver, pour m'évader, pour me déplacer plus vite dans le temps et dans l'espace. J'ai été, grâce au vin, un petit oiseau. J'ai appris à sortir seul du nid sans ma maman, à m'envoler du cerisier pour découvrir l'espace. Seul, j'ai aussi été un escargot. Et je glissais plus vite que le TGV. J'ai vécu ces moments privilégiés où... l'imagination et la raison deviennent folles, libres, où on est solitaire dans la foule, où on se fout de pleurer ou de rire. Ça, ça, c'est de la belle ivresse. Oh, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai eu des cuites crapuleuses, la cuite honte. J'ai eu des cuites autorité pour faire taire les crises de goutte et de foie. J'ai connu la cuite suicide. Oh. Yeah. dit rien. Ah bon. Mais ce qu'il disait, c'est vrai. L'endroit où il était, c'était chez vous. Il a donné tellement peu de détails. Ah oui, oui, oui, ça m'a l'air flou un peu. Hein? Mais bon, si ça l'a rendu heureux aujourd'hui. C'est une façon pour les gens de dire bonjour. Ah oui, peut-être. Chacun trouve oui, son oui. occupation comme ça. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est une longue mise en scène pour en arriver à ça. Vous voyez, c'est comme les journalistes. Moi, je ne... Je considère... Je reviens à la conversation d'avant. Hein, oh, comme... oui. Je trouve que les... C'est normal que des gens qui prennent la peine, en l'occurrence, de devenir des... Des gens qui ont l'habitude, qui viennent... C'est pareil pour Paris, mais... Vous voulez téléphoner pour prendre un rendez-vous avec moi? Je suis encore étonné que au Canada on s'intéresse à ma petite personne. Québec. Le Québec. Québec, oui, oui, oui, oui. Ah oui, vous êtes très... Ah oui, nationaliste, oui. Ah oui, un jour, un jour. Et vous allez arriver ou pas? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh, oui. Nous avons le PQ au pouvoir, donc les chances sont de notre côté. Ne vous en faites pas. Même si vous en faites pas vraiment. Alors, ça, j'ai une chance sur deux de faire une connerie. Hein. Mais c'est... Comme au loto. C'est bien d'avoir une chance sur deux. D'avoir le loto, j'ai jamais une chance sur deux. C'est pas mal. Hein. Ah ben, vous avez plus de même chose. Merci beaucoup. Bien aimé, monsieur, merci. Andouillette, ça a été très, très bon. Très bon. Vous revenez la prochaine fois, les os à moi, c'est pour moi, hein, je n'oublierai pas. Mais je voudrais simplement savoir, demander au patron si je peux avoir le nom de son fournisseur d'andouillette. Ah oui. S'il peut me faire ça, ça m'arrange. On peut vous faire ça. Rendez-vous. Ouais. Edouard Tard. Quelle heure est-il ? 3h moins 20. Je ne... Je vais très loin. Je ne... J'aime être à l'heure, mais... là, j'avais prévenu que je serais probablement un quart d'heure. Est-ce que je peux m'en verser un autre vin ? Bien sûr. Merci. Très bon, ce vin. Hein? Ah, d'après vous ? C'est bien, j'ai gardé la... Non, mais d'après vous, est-ce que c'est un bon vin? Oui. Ah, formidable. Oui, hein? Non, non, vous savez, le vin, c'est... Le vin, c'est un terroir et c'est un vigneron. Alors ça, c'est des terroirs magnifiques. Saumur, Champigny, c'est toute la Loire, c'est des vins formidables avec des... Avec des cépages particuliers, le côte, si on veut, qui est le Cabernet Franc. C'est un cépage magnifique, tannique, c'est un vrai bec. Il y a des couilles au cul énormes. Il est monté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vin de mec, c'est pas un vin de gonzette, c'est pas un vin de petits doigts en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a ça, il y a le vigneron. Alors, il y en a ou il n'y en a pas, mais quand il traite le coup, il doit s'imaginer qu'il en a. Oui, oui. En magasin, ça se chiffre à peu près à combien? Je pense que ça devrait pas valoir plus de 12 euros. Okay, ah oui? Non, mais nous avons dans ce pays un miracle de vignoble. Il n'y a pas une région où vous ne puissiez prendre du plaisir à boire. Que vous alliez en Alsace. Mais en Alsace, vous voyez, on nous emmerde avec le Gewürztraminer, le Riesling, les vins chers, quoi. Et moi, je me régale avec du Gewürztraminer ou du Traminer. C'est-à-dire, pas avec du Gewürztraminer, avec de l'Edelsviter. C'est-à-dire des vins de mélange, des vins faciles, des vins qu'on boit à 10h du matin avec une saucisse. Le meilleur moment pour goûter du vin, c'est quand vous vous êtes levé tôt, vous avez fait un tour de jardin, vous rentrez vers 10h chez vous, vous avez une petite faim, vous avez un vieux bout de lard qui a traîné, qui était dans une potée au chou, vous avez fait cuire comme ça, avec un bout de cornichon. Et le vin qui va avec, celui-là, il est bon. Celui qui vous procure le premier plaisir du matin, le premier verre. Ah ouais, ouais, c'est celui-là, il vous régale. C'est-à-dire, il vous régale le nez, il vous régale les papilles, il vous met en joie pour le restant de la journée. Il ne demande que à être regoûté vers midi moins le quart. C'est ça. Ben, ça, c'est l'Alsace. Dans le Jura, c'est autre chose. C'est des vins qui demandent beaucoup plus de réflexion, qui demandent des accompagnements, les grands vins, d'être décomptés plusieurs jours à l'avance. Parce que... Et puis après... Vous descendez, vous êtes dans en Bourgogne, où là, vous avez des vins blancs admirables, des rouges sublimes, vous êtes dans un dépaysement complet, mais tout ça, les rouges ne sont que des gamets, c'est quasiment un unicépage, quoi. Vous descendez en Savoie, il y a des choses formidables, des petits vins légèrement perlants, pour moi, c'est des gratitudes, merveilleusement délicieux, c'est bon avec une petite clotte du lac, avec une perche du lac, avec une friture, comme ça, c'est des moments de bonheur. Dans le midi, il y a des vins de qualité, vous avez des bandoles, les cassis qui viennent de faire des progrès extraordinaires, puis après, vous vous avancez, vous pouvez remonter la vallée du Rhône. Là, vous avez des Côtes du Rhône, des Saint-Péret, vous avez des Ermitages, les Châteaux du Pape, vous avez des choses qui vous font tomber à la renverse chaque fois. Puis après, les Condrieux, etc. Oh, on tourne à gauche, on entend. On est dans le Sancerrois, on est dans les côtes chalonnaises. Et puis ensuite, on avance, et là, on prend toute la Loire, jusqu'à Nantes. Et là, il n'y a pas un mètre carré que vous ne soyez bouleversé par les vins que vous pouvez boire. Les chenins, tous les vins blancs, c'est du chenin, c'est admirable. Il y a des vins qui vous dépaysent, qui vous promènent, qui vous emmènent, qui vous font rêver. C'est extraordinaire. Vous l'aimez, votre France? Elle me déçoit beaucoup en ce moment, elle m'attriste. Je trouve que la France dont je rêve, c'est une France enthousiaste, une France généreuse, une France qui a envie de combattre pour être ce qu'elle était. La France, c'est comme un vieux vin dont... Il y a un moment donné, quand je parle des vieux vins, je dis... L'avantage du vieux vin, c'est que c'est vrai qu'il n'y a plus d'espoir d'avenir, mais il y a encore des souvenirs de ce qu'elle a été, elle veut briller. Et là, je trouve que la France, avec toute cette jeunesse, devrait se régénérer. Elle devrait de nouveau être enthousiaste. Je n'aime pas la France défaitiste, je n'aime pas la France morose, je n'aime pas la France d'après-guerre, où on dénonce, où on essaie, parce qu'on n'ose plus espérer, on dénonce tout le monde, on trouve des coupables partout, parce qu'on ne veut pas passer son temps à espérer, et même à rêver. Je suis désespéré que cette France-là ne nous donne pas le rêve. La précédente, Sarkozy, ne nous donnait pas le rêve. Je pense que Hollande, que je ne connais pas, ou que je n'ai vu qu'une fois quand il est venu chez Drucker, pense que c'est un homme sincère, mais qu'il est frileux. Il ne pense pas qu'il y a une France qui a envie de ça, qui a envie de réagir, qui a envie de gagner. Elle existe, cette jeunesse, et c'est celle-là qu'il faut... Il faut l'envelopper du drapeau bleu, blanc, rouge et l'entraîner sur les barricades de l'avenir. Ben, Monsieur Koff, merci d'avoir passé à mon émission. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'y croyais pas. Maintenant, ben, je suis devant le fait réalisé. Pourquoi vous y croyez pas? Ben, parce que des fois, c'est des canulars. C'est des gens qui se font passer pour. Et quand tu arrives devant pour le rencontrer, ben, ça se produit pas. Mais c'était pas le cas, puisque vous étiez ici avec moi aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je serai avec vous au Canada quand j'irai. Au Québec. Merde. Mais c'est pas grave. Je serai avec vous au Québec la prochaine fois que j'irai, ou en tout cas la première fois que j'irai, oui. Et la première personne que je verrai, c'est vous. Mais merci et j'espère. Ben oui. Puis après, Céline Dion, peut-être. Pourquoi pas. Ben oui. Merci, M. Koff. Merci à